yeah. Ok, c'est clair. Cette fois c'est la bonne sa mère. Apprendre à bouger les fesses n'est pas un mystère. Depuis qu'on a la santé, pas besoin de ses pères. Un poulet mien, deux poulets tiens. Trois pour tous ces gens qui nous veulent du bien. Quatre pour tous ceux qui nous envoient des DM. Et sec, n'oublie pas de te laver les mains. Ouais, Igo c'est comment. T'es mal le Buckley. On a tout ce qu'il faut, du choc à de la Fimbi. J'suis avec les cous, j'suis avec Inik. La partie de CM, Moby, Fifty Fish. Tu crois qu'on est seul, mais derrière y'a la team. J'suis d'humeur, brosson, énervé comme la crime. Pas le temps pour la bagarre. Maintenant y'a Uzi, nos tipeurs sont Uncho comme d'un baptême bougie. T'as envie de danser, même si t'es chez toi. Viens, on va s'ambiancer, il y a pas de schéma. Casse la démarche comme Mbappé. Tes maçons boulet les chiffres. Ralasse la moula et l'ouvre. Si y'a Raja, y'a le tapis. Casse la démarche comme Mbappé. Tes maçons boulet les chiffres. Ralasse la moula et l'ouvre. Si y'a Raja, y'a le tapis. Hey, frappe dans la lucarne, le goal il bouge pas. Je m'amuse dans la surface. On arrive des terres comme Monsieur Mba. On évite la défaite, on fait que des tops. La gadji me rappelle, elle veut qu'on remette ça. Je lui ai dit non, ce soir c'est la fiesta. La neuse au quatrier, c'est de la pêche. Elle veut pas de flocons, c'est mort. À ce qui paraît, on a la grosse tête. Je suis un visionnaire, j'ai l'esprit comme un aztèque. Tu parles de moi, ta vie, je m'en bats les steaks. On arrive dans le game et les haineux ont mal tête. J'ai pas le temps de fucking jouer aux malhonnêtes. La morale s'achète le plus souvent, arrive aux boîtes aux lettres. On sait que tu n'aimes pas, en vérité tu es bête. Je traîne avec des criminels qui s'amusent avec la gâchette. T'as envie de danser, même si t'es chez toi. Viens, on va s'ambiancer, il y a pas de schéma. Casse la démarche comme Mbappé. Tes maçons boulet les chiffres. Ralasse la moula et l'ouvre. Si y'a Raja, y'a le tapis. Casse la démarche.